Leibniz, monadologie. Paragraphe 1. La monade, dont nous parlerons ici, n'est autre chose qu'une substance simple, qui entre dans les composés. Simple, c'est-à-dire sans partie. Voir Théodicée, paragraphe 10. Paragraphe 2. Et il faut qu'il y ait des substances simples, puisqu'il y a des composés. Car le composé n'est autre chose qu'un amas ou agrégat des simples. Paragraphe 3. Or, là où il n'y a point de partie, il n'y a ni étendue, ni figure, ni divisibilité possible. Et ces monades sont les véritables atomes de la nature, et en un mot, les éléments des choses. Paragraphe 4. Il n'y a non plus point de dissolution à craindre, et il n'y a aucune manière concevable par laquelle une substance simple puisse périr naturellement. Voir paragraphe 89. Paragraphe 5. Par la même raison, il n'y en a aucune par laquelle une substance simple puisse commencer naturellement, puisqu'elle ne saurait être formée par composition. Paragraphe 6. Ainsi, on peut dire que les monades ne sauraient commencer ni finir que tout d'un coup, c'est-à-dire elles ne sauraient commencer que par création et finir que par annihilation, au lieu que ce qui est composé commence ou finit par partie. Paragraphe 7. Il n'y a pas moyen aussi d'expliquer comment une monade puisse être altérée ou changée dans son intérieur par quelque autre créature, puisqu'on n'y saurait rien transposer, ni concevoir en elle aucun mouvement interne qui puisse être excité, dirigé, augmenté ou diminué là-dedans, comme cela se peut dans les composés où il y a du changement entre les parties. Les monades n'ont point de fenêtre par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. Les accidents ne sauraient se détacher ni se promener hors des substances comme faisaient autrefois les espèces sensibles des scolastiques. Ainsi, ni substance, ni accident ne peut entrer de dehors dans une monade. Paragraphe 8. Cependant, il faut que les monades aient quelque qualité. Autrement, ce ne seraient pas même des êtres. Et si les substances simples ne différaient point par leur qualité, il n'y aurait pas de moyen de s'apercevoir d'aucun changement dans les choses, puisque ce qui est dans le composé ne peut venir que des ingrédients simples. Et les monades étant sans qualité, seraient indistinguables l'une de l'autre, puisqu'aussi bien elles ne diffèrent point en quantité. Et par conséquent, le plein étant supposé, chaque lieu ne recevrait toujours, dans le mouvement, que l'équivalent de ce qu'il avait eu, et un état des choses serait indiscernable de l'autre. Paragraphe 9. Il faut même que chaque monade soit différente de chaque autre, car il n'y a jamais dans la nature deux êtres qui soient parfaitement l'un comme l'autre, et où il ne soit possible de trouver une différence interne ou fondée sur une dénomination intrinsèque. Paragraphe 10. Je prends aussi pour accordé que tout être créé est sujet au changement, et par conséquent, la monade créée aussi, et même que ce changement est continuel dans chacune. Paragraphe 11. Il s'ensuit de ce que nous venons de dire que les changements naturels des monades viennent d'un principe interne, puisqu'une cause externe ne saurait influer dans son intérieur. Paragraphe 12. Mais il faut aussi qu'outre le principe du changement, il y ait un détail de ce qui change, qui fasse pour ainsi dire la spécification et la variété des substances simples. Paragraphe 13. Ce détail doit envelopper une multitude dans l'unité ou dans le simple. Car tout changement naturel se faisant par degrés, quelque chose change et quelque chose reste. Et par conséquent, Il faut que dans la substance simple, il y ait une pluralité d'affections et de rapports, quoiqu'il n'y ait point de pluralité de parties. Paragraphe 14. L'état passager, qui enveloppe et représente une multitude dans l'unité ou dans la substance simple, n'est autre chose que ce qu'on appelle la perception, qu'on doit distinguer de la perception ou de la conscience, comme il paraîtra dans la suite. Et c'est en quoi les cartésiens ont fort manqué, ayant compté pour rien les perceptions dont on ne s'aperçoit pas. C'est aussi ce qui les a fait croire que les seuls esprits étaient des monades, et qu'il n'y avait point d'âme des bêtes et d'autres entéléchies. Et qu'ils ont confondu, avec le vulgaire, un long étourdissement avec une mort à la rigueur, ce qui les a fait encore donner dans le préjugé scolastique des âmes entièrement séparées, et a même confirmé les esprits mal tournés dans l'opinion de la mortalité des âmes. Paragraphe 15. L'action du principe interne qui fait le changement, ou le passage d'une perception à une autre, peut être appelée appétition. Il est vrai que l'appétit ne saurait toujours parvenir entièrement à toute la perception, où il tend, mais il en obtient toujours quelque chose et parvient à des perceptions nouvelles. Paragraphe 16. Nous expérimentons nous-mêmes une multitude dans la substance simple lorsque nous trouvons que la moindre pensée dont nous nous apercevons enveloppe une variété dans l'objet. Ainsi, tous ceux qui reconnaissent que l'âme est une substance simple doivent reconnaître cette multitude dans la monade. Et M. Bayle ne devait point y trouver de la difficulté, comme il a fait dans son dictionnaire, article Rorarius. Paragraphe 17. On est obligé d'ailleurs de confesser que la perception, et ce qui en dépend, est inexplicable par des raisons mécaniques, c'est-à-dire par les figures et par les mouvements. En feignant qu'il y ait une machine dont la structure fasse penser, sentir, avoir perception, on pourra la concevoir agrandie, en conservant les mêmes proportions, en sorte qu'on y puisse entrer comme dans un moulin. Et cela posé, on ne trouvera en la visitant au-dedans que des pièces qui poussent les unes les autres, et jamais de quoi expliquer une perception. Ainsi, c'est dans la substance simple et non dans le composé ou dans la machine qu'il la faut chercher. Aussi n'y a-t-il que cela qu'on puisse trouver dans la substance simple, c'est-à-dire les perceptions et leurs changements. C'est en cela seul aussi que peuvent consister toutes les actions internes des substances simples. Paragraphe 18. On pourrait donner le nom d'entéléchie à toutes les substances simples, ou monades créées, car elles ont en elles une certaine perfection. Il y a une suffisance qui les rend source de leurs actions internes et, pour ainsi dire, des automates incorporels. Paragraphe 19. Si nous voulons appeler âme tout ce qui a perceptions et appétits dans le sens général que je viens d'expliquer, toutes les substances simples ou monades créées pourraient être appelées âme. Mais comme le sentiment est quelque chose de plus qu'une simple perception, je consens que le nom général de monade et d'entéléchie suffise aux substances simples qui n'auront que cela, et qu'on appelle âme seulement celle dont la perception est plus distincte et accompagnée de mémoire. Paragraphe 20. Car nous expérimentons en nous-mêmes un état où nous ne nous souvenons de rien et n'avons aucune perception distinguée, comme lorsque nous tombons en défaillance, ou quand nous sommes accablés d'un profond sommeil sans aucun songe. Dans cet état, l'âme ne diffère point sensiblement d'une simple monade. Mais comme cet état n'est pas durable, et quel sentir, elle est quelque chose de plus. Voir paragraphe 64. Paragraphe 21. et il ne s'ensuit point qu'alors la substance simple soit sans aucune perception. Cela ne se peut pas même, pour les raisons susdites, car elle ne saurait périr, elle ne saurait aussi subsister sans quelque affection, qui n'est autre chose que sa perception. Mais quand il y a une grande multitude de petites perceptions, où il n'y a rien de distingué, on est étourdi, comme quand on tourne continuellement d'un même sens plusieurs fois de suite, où il vient un vertige qui peut nous faire évanouir et qui ne nous laisse rien distinguer. Et la mort peut donner cet état pour un temps aux animaux. Paragraphe 22. Tout présent état d'une substance simple est naturellement une suite de son état précédent, tellement que le présent y est gros de l'avenir. Paragraphe 23. Donc, puisque réveillé de l'étourdissement, on s'aperçoit de ses perceptions, il faut bien qu'on en ait eu immédiatement auparavant, quoi qu'on ne s'en soit point aperçu. Car une perception ne saurait venir naturellement que d'une autre perception, comme un mouvement ne peut venir naturellement que d'un mouvement. Paragraphe 24. L'on voit par là que si nous n'avions rien de distingué, et pour ainsi dire de relevé, et d'un plus haut goût dans nos perceptions, nous serions toujours dans l'étourdissement. Et c'est l'état des monades toutes nues. Paragraphe 25. Aussi, voyons-nous que la nature a donné des perceptions relevées aux animaux par les soins qu'elle a pris de leur fournir des organes, qui ramassent plusieurs rayons de lumière ou plusieurs ondulations de l'air pour les faire avoir plus d'efficace par leur union. Il y a quelque chose d'approchant dans l'odeur, dans le goût et dans l'attouchement, et peut-être dans quantité d'autres sens qui nous sont inconnus. Et j'expliquerai tantôt comment ce qui se passe dans l'âme représente ce qui se fait dans les organes. Paragraphe 26. La mémoire fournit une espèce de consécution aux âmes, qui imite la raison, mais qui doit en être distinguée. C'est que nous voyons que les animaux, ayant la perception de quelque chose qui les frappe et dont ils ont eu perception semblable auparavant, s'attendent par la représentation de leur mémoire à ce qui y a été joint dans cette perception précédente et sont portés à des sentiments semblables à ceux qu'ils avaient pris alors. Par exemple, quand on montre le bâton au chien, ils se souviennent de la douleur qu'il leur a causée, écrit et s'enfuit. Paragraphe 27. Et l'imagination forte qui les frappe et les émeut vient ou de la grandeur ou de la multitude des perceptions précédentes. Car souvent, une impression forte fait tout d'un coup l'effet d'une longue habitude ou de beaucoup de perceptions médiocres réitérées. Paragraphe 28. Les hommes agissent comme les bêtes, en tant que les consécutions de leurs perceptions ne se font que par le principe de la mémoire. Ressemblant aux médecins empiriques qui ont une simple pratique sans théorie. Et nous ne sommes qu'empiriques dans les trois quarts de nos actions. Par exemple, quand on s'attend qu'il y aura jour demain, on agit en empirique, parce que cela s'est toujours fait ainsi jusqu'ici. Il n'y a que l'astronomie qui le juge par raison. Paragraphe 29. Mais la connaissance des vérités nécessaires et éternelles est ce qui nous distingue des simples animaux et nous fait avoir la raison et les sciences, en nous élevant à la connaissance de nous-mêmes et à la connaissance de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle en nous âme raisonnable ou esprit. Paragraphe 30. C'est aussi par la connaissance des vérités nécessaires et par leurs abstractions que nous sommes élevés aux actes réflexifs, qui nous font penser à ce qu'on appelle « moi » et à considérer que ceci ou cela est en nous. Et c'est ainsi qu'en pensant à nous, nous pensons à l'être, à la substance, au simple et au composé, à l'immatériel et à Dieu même, en concevant que ceci est borné en nous et en lui, sans borne. Et ces actes réflexifs fournissent les objets principaux de nos raisonnements. Voir Théodicée, préface 4a. Paragraphe 31. Nos raisonnements sont fondés sur deux grands principes. Celui de la contradiction, en vertu duquel nous jugeons faux ce qui en enveloppe, et vrai ce qui est opposé ou contradictoire au faux. Paragraphe 32. Et celui de la raison suffisante, en vertu duquel nous considérons qu'aucun fait ne saurait se trouver vrai ou existant, aucune énonciation véritable, sans qu'il y ait une raison suffisante pourquoi il en soit ainsi et non autrement. Quoique ces raisons, le plus souvent, ne puissent point nous être connues. Paragraphe 33. Il y a aussi deux sortes de vérités, celle de raisonnement et celle de fait. Les vérités de raisonnement sont nécessaires et leur opposé est impossible. Et celles de fait sont contingentes et leur opposé est possible. Quand une vérité est nécessaire, on en peut trouver la raison par l'analyse, la résolvant en idée et en vérité plus simple, jusqu'à ce qu'on vienne aux primitives. Paragraphe 34. C'est ainsi que, chez les mathématiciens, les théorèmes de spéculation et les canons de pratique sont réduits par l'analyse aux définitions, axiomes et demandes. Paragraphe 35. Et il y a enfin des idées simples dont on ne saurait donner la définition. Il y a aussi des axiomes et demandes, ou, en un mot, des principes primitifs, qui ne sauraient être prouvés et n'en ont point besoin aussi. Et ce sont les énonciations identiques, dont l'opposé contient une contradiction expresse. Paragraphe 36. Mais la raison suffisante se doit trouver aussi dans les vérités contingentes ou de fait, c'est-à-dire dans la suite des choses répandues par l'univers des créatures, où la résolution, en raison particulière, pourrait aller à un détail sans borne, à cause de la variété immense des choses de la nature et de la division des corps à l'infini. Il y a une infinité de figures et de mouvements présents et passés qui entrent dans la cause efficiente de mon écriture présente. Et il y a une infinité de petites inclinations et dispositions de mon âme, présentes et passées, qui entrent dans la cause finale. Paragraphe 37. Et comme tout ce détail n'enveloppe que d'autres contingents antérieurs ou plus détaillés, dont chacun a encore besoin d'une analyse semblable pour en rendre raison, on n'en est pas plus avancé. Et il faut que la raison suffisante ou dernière soit hors de la suite ou série de ce détail des contingences, quelque infini qu'il pourrait être. Paragraphe 38. Et c'est ainsi que la dernière raison des choses doit être dans une substance nécessaire, dans laquelle le détail des changements ne soit qu'éminemment, comme dans la source. Et c'est ce que nous appelons Dieu. Voir paragraphe 7. Paragraphe 39. Or, cette substance étant une raison suffisante de tout ce détail, lequel aussi est lié par tout, il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu suffit. Paragraphe 40. On peut juger aussi que cette substance suprême, qui est unique, universelle et nécessaire, n'ayant rien hors d'elle, qui en soit indépendant, et étant une suite simple de l'être possible, doit être incapable de limite et contenir tout autant de réalité qu'il est possible. Paragraphe 41. D'où il s'ensuit que Dieu est absolument parfait. La perfection n'étant autre chose que la grandeur de la réalité positive prise précisément, en mettant à part les limites ou bornes dans les choses qui en ont. Et là où il n'y a point de bornes, c'est-à-dire en Dieu, la perfection est absolument infinie. Paragraphe 42. Il s'ensuit aussi que les créatures ont leur perfection de l'influence de Dieu, mais qu'elles ont leurs imperfections de leur nature propre, incapables d'être sans bornes. Car c'est en cela qu'elles sont distinguées de Dieu. Cette imperfection originale des créatures se remarque dans l'inertie naturelle des corps. Voir paragraphe 20. Paragraphe 43. Il est vrai aussi qu'en Dieu est non seulement la source des existences, mais encore celle des essences, en tant que réel, ou de ce qu'il y a de réel dans la possibilité. C'est parce que l'entendement de Dieu est la région des vérités éternelles, ou des idées dont elles dépendent, et que sans lui, il n'y aurait rien de réel dans les possibilités, et non seulement rien d'existant, mais encore rien de possible. Paragraphe 44. Car il faut bien que s'il y a une réalité dans les essences ou possibilités, ou bien dans les vérités éternelles, cette réalité soit fondée en quelque chose d'existant et d'actuel, et par conséquent, dans l'existence d'un être nécessaire dans lequel l'essence renferme l'existence, ou dans lequel il suffit d'être possible pour être actuel. Paragraphe 45. Ainsi, Dieu seul, ou l'être nécessaire, a ce privilège qu'il faut qu'il existe s'il est possible. Et comme rien ne peut empêcher la possibilité de ce qui n'enferme aucune borne, aucune négation, et par conséquent aucune contradiction, cela seul suffit pour connaître l'existence de Dieu a priori. Nous l'avons prouvé aussi par la réalité des vérités éternelles. Mais nous venons de la prouver aussi a posteriori, puisque des êtres contingents existent, lesquels ne sauraient avoir leur raison dernière ou suffisante que dans l'être nécessaire qui a la raison de son existence en lui-même. Paragraphe 46. Cependant, il ne faut point s'imaginer, avec quelques-uns, que les vérités éternelles, étant dépendantes de Dieu, sont arbitraires et dépendent de sa volonté, comme Descartes paraît l'avoir pris, et puis M. Poiret. Cela n'est véritable que des vérités contingentes, dont le principe est la convenance ou le choix du meilleur, au lieu que les vérités nécessaires dépendent uniquement de son entendement et en sont l'objet interne. Paragraphe 47. Ainsi, Dieu seul est l'unité primitive, ou la substance simple, originaire, dont toutes les monades créées, ou dérivatives, sont des productions, et naissent, pour ainsi dire, par des fulgurations continuelles de la divinité de moment en moment, bornées par la réceptivité de la créature, à laquelle il est essentiel d'être limité. Paragraphe 48. Il y a en Dieu la puissance, qui est la source de tout. Puis, la connaissance, qui contient le détail des idées. Et enfin, la volonté, qui fait les changements ou productions selon le principe du meilleur. Et c'est ce qui répond à ce qui, dans les monades créées, fait le sujet ou la base, la faculté perceptive et la faculté appétitive. Mais en Dieu, ces attributs sont absolument infinis ou parfaits. Et dans les monades créées, ou dans les entéléchies, ou perfecti habies, comme Hermelos Barbarus traduisait ce mot, ce n'en sont que des imitations, à mesure qu'il y a de la perfection. Paragraphe 49. La créature est dite agir au dehors en tant qu'elle a de la perfection, et pâtir d'un autre en tant qu'elle est imparfaite. Ainsi, l'on attribue l'action à la monade en tant qu'elle a des perceptions distinctes, et la passion en tant qu'elle en a de confuses. Paragraphe 50. Et une créature est plus parfaite qu'une autre en ce qu'on trouve en elle ce qui sert à rendre raison a priori de ce qui se passe dans l'autre. Et c'est par là qu'on dit qu'elle agit sur l'autre. Paragraphe 51. Mais dans les substances simples, ce n'est qu'une influence idéale d'une monade sur l'autre, qui ne peut avoir son effet que par l'intervention de Dieu, en tant que dans les idées de Dieu, une monade demande avec raison que Dieu, en réglant les autres dès le commencement des choses, ait regard à elle. Car, puisqu'une monade créée ne saurait avoir une influence physique sur l'intérieur de l'autre, ce n'est que par ce moyen que l'une peut avoir de la dépendance de l'autre. Paragraphe 52. Et c'est par là qu'entre les créatures, les actions et les passions sont mutuelles. Car Dieu, comparant deux substances simples, trouve en chacune des raisons qui l'obligent à y accommoder l'autre. Et par conséquent, ce qui est actif à certains égards est passif suivant un autre point de considération. Actif en tant que ce qu'on connaît distinctement en lui sert à rendre raison de ce qui se passe dans un autre, et passif en tant que la raison de ce qui se passe en lui se trouve dans ce qui se connaît distinctement dans un autre. Paragraphe 53. Or, comme il y a une infinité d'univers possibles dans les idées de Dieu, et qu'il n'en peut exister qu'un seul, il faut qu'il y ait une raison suffisante du choix de Dieu qui le détermine à l'un plutôt qu'à l'autre. Paragraphe 54. Et cette raison ne peut se trouver que dans la convenance ou dans les degrés de perfection que ces mondes contiennent, chaque possible ayant droit de prétendre à l'existence à la mesure de la perfection qui l'enveloppe. Paragraphe 55. Et c'est ce qui est la cause de l'existence du meilleur, que la sagesse fait connaître à Dieu, que sa bonté le fait choisir, et que sa puissance le fait produire. Paragraphe 56. Or, cette liaison ou cet accommodement de toutes les choses créées à chacune et de chacune à toutes les autres fait que chaque substance simple a des rapports qui expriment toutes les autres et qu'elle est par conséquent un miroir vivant perpétuel de l'univers. Paragraphe 57. Et comme une même ville regardée de différents côtés paraît tout autre et est comme multipliée perspectivement, il arrive de même que par la multitude infinie des substances simples, il y a comme autant de différents univers, qui ne sont pourtant que les perspectives d'un seul, selon les différents points de vue de chaque monade. Paragraphe 58. Et c'est le moyen d'obtenir autant de variétés qu'il est possible, mais avec le plus grand ordre qui se puisse. C'est-à-dire, c'est le moyen d'obtenir autant de perfection qu'il se peut. Paragraphe 59. Aussi, n'est-ce que cette hypothèse, que j'ose dire démontrer, qui relève, comme il faut, la grandeur de Dieu. C'est ce que M. Bayle reconnut lorsque dans son dictionnaire, article Rorarius, il y fit des objections, ou même il fut tenté de croire que je donnais trop à Dieu, et plus qu'il n'était possible. Mais il ne put alléguer aucune raison pour laquelle cette harmonie universelle, qui fait que toute substance exprime exactement toutes les autres par les rapports qu'il y a, fut impossible. Paragraphe 60. On voit d'ailleurs, dans ce que je viens de rapporter, les raisons a priori pour lesquelles les choses ne sauraient aller autrement. Parce que Dieu, en réglant le tout a eu égard à chaque partie, et particulièrement à chaque monade, dont la nature étant représentative, rien ne la saurait borner à ne représenter qu'une partie des choses. Quoi qu'il soit vrai que cette représentation n'est que confuse dans le détail de l'univers, et ne peut être distincte que dans une petite partie des choses, c'est-à-dire dans celles qui sont ou les plus prochaines, ou les plus grandes par rapport à chacune des monades. Autrement, chaque monade serait une divinité. Ce n'est pas dans l'objet, mais dans la modification de la connaissance de l'objet, que les monades sont bornées. Elles vont toutes confusément à l'infini, au tout. Mais elles sont limitées et distinguées par les degrés des perceptions distinctes. Paragraphe 61. Et les composés sont en accord en cela avec les simples. Car comme tout est plein, ce qui rend toute la matière liée, et comme dans le plein, tout mouvement fait quelque effet sur les corps distants, à mesure de la distance, de sorte que chaque corps est affecté non seulement par ce qui le touche, et se ressent en quelque façon de tout ce qui leur arrive, mais aussi par leurs moyens, se ressent de ceux qui touchent les premiers, dont il est touché immédiatement, il s'ensuit que cette communication va à quelque distance que ce soit. Et par conséquent, tout corps se ressent de tout ce qui se fait dans l'univers. Tellement que celui qui voit tout pourrait lire dans chacun ce qui se fait partout et même ce qui s'est fait ou qui se fera. En remarquant dans le présent ce qui est éloigné, tant selon les temps que selon les lieux. Sum noia panta, disait Hippocrate. Mais une âme ne peut lire en elle-même que ce qui y est représenté distinctement. Elle ne saurait développer tout d'un coup tous ses replis, car ils vont à l'infini. Paragraphe 62. Ainsi, quoique chaque monade créée représente tout l'univers, elle représente plus distinctement le corps qui lui est affecté particulièrement et dont elle fait l'entéléchie. Et comme ce corps exprime tout l'univers par la connexion de toute la matière dans le plein, l'âme représente aussi tout l'univers en représentant ce corps qui lui appartient d'une manière particulière. Paragraphe 63. Le corps, appartenant à une monade, qui en est l'entéléchie ou l'âme, constitue avec l'entéléchie ce qu'on peut appeler un vivant, et avec l'âme, ce qu'on appelle un animal. Or, ce corps d'un vivant ou d'un animal est toujours organique. Car toute monade étant un miroir de l'univers à sa mode, et l'univers étant réglé dans un ordre parfait, il faut qu'il y ait aussi un ordre dans le représentant, c'est-à-dire dans les perceptions de l'âme, et par conséquent dans le corps, suivant lequel l'univers y est représenté. Paragraphe 64. Ainsi, chaque corps organique d'un vivant est une espèce de machine divine, ou un automate naturel, qui surpasse infiniment tous les automates artificiels. Parce qu'une machine faite par l'art de l'homme n'est pas une machine dans chacune de ses parties. Par exemple, la dent d'une roue de laiton a des parties ou fragments qui ne sont plus quelque chose d'artificiel, et qui n'ont plus rien qui marque de la machine par rapport à l'usage où la roue était destinée. Mais les machines de la nature, c'est-à-dire les corps vivants, sont encore machines dans leur moindre partie jusqu'à l'infini. C'est ce qui fait la différence entre la nature et l'art, c'est-à-dire entre l'art divin et le nôtre. Paragraphe 65. Et l'auteur de la nature a pu pratiquer cet artifice divin et infiniment merveilleux parce que chaque portion de la matière n'est pas seulement divisible à l'infini comme les anciens ont reconnu, mais encore sous-divisé actuellement sans fin. Chaque partie en partie, dont chacune a quelque mouvement propre. Autrement, il serait impossible que chaque portion de la matière pût exprimer tout l'univers. Paragraphe 66. Par où l'on voit qu'il y a un monde de créatures, de vivants, d'animaux, d'entéléchis, d'âmes, dans la moindre partie de la matière. Paragraphe 67. Chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes et comme un étang plein de poissons. Mais chaque rameau de la plante, chaque membre de l'animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang. Paragraphe 68. Et quoique la terre et l'air interceptés entre les plantes du jardin ou l'eau interceptée entre les poissons de l'étang ne soient point plantes ni poissons, ils en contiennent pourtant encore, mais le plus souvent, d'une subtilité qui nous est imperceptible. Paragraphe 69. Ainsi, il n'y a rien d'inculte, de stérile, de mort dans l'univers. Point de chaos, point de confusion qu'en apparence. À peu près comme il en paraîtrait dans un étang à une distance dans laquelle on verrait un mouvement confus et grouillant, pour ainsi dire, de poissons dans l'étang, sans discerner les poissons mêmes. Paragraphe 70. On voit par là que chaque corps vivant a une entéléchie dominante qui est l'âme dans l'animal. Mais les membres de ce corps vivant sont pleins d'autres vivants, plantes, animaux, dont chacun a encore son entéléchie ou son âme dominante. Paragraphe 71. Mais il ne faut point s'imaginer, avec quelques-uns qui avaient mal pris ma pensée, que chaque âme a une masse ou portion de la matière propre ou affectée à elle pour toujours, et qu'elle possède, par conséquent, d'autres vivants inférieurs, destinés toujours à son service. Car tous les corps sont dans un flux perpétuel, comme des rivières, et des parties y entrent et en sortent continuellement. Paragraphe 72. Ainsi, l'âme ne change de corps que peu à peu et par degrés, de sorte qu'elle n'est jamais dépouillée tout d'un coup de tous ses organes. Et il y a souvent métamorphose dans les animaux, mais jamais métempsychose ou transmigration des âmes. Il n'y a pas non plus des âmes tout à fait séparées, ni de génie sans corps. Dieu seul en est détaché entièrement. Paragraphe 73. C'est ce qui fait aussi qu'il n'y a jamais ni génération entière, ni mort parfaite prise à la rigueur, consistant dans la séparation de l'âme. Et ce que nous appelons génération sont des développements et des accroissements, comme ce que nous appelons mort sont des enveloppements et des diminutions. Paragraphe 74. Les philosophes ont été fort embarrassés sur l'origine des formes, entéléchies ou âmes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on s'est aperçu, par des recherches exactes faites sur les plantes, les insectes et les animaux, que les corps organiques de la nature ne sont jamais produits d'un chaos ou d'une putréfaction, mais toujours par les semences dans lesquelles il y avait sans doute quelques préformations, on a jugé que non seulement le corps organique était déjà avant la conception, mais encore une âme dans ce corps, et en un mot, l'animal même. Et que par le moyen de la conception, cet animal a été seulement disposé à une grande transformation pour devenir un animal d'une autre espèce. On voit même quelque chose d'approchant hors de la génération, comme lorsque les vers deviennent mouches et que les chenilles deviennent papillons. Paragraphe 75. Les animaux, dont quelques-uns sont élevés au degré de plus grands animaux par le moyen de la conception, peuvent être appelés spermatiques. Mais ceux d'entre eux qui demeurent dans leur espèce, c'est-à-dire la plupart, naissent, se multiplient et sont détruits comme les grands animaux, et il n'y a qu'un petit nombre d'élus qui passent à un plus grand théâtre. Paragraphe 76. Mais ce n'était que la moitié de la vérité. J'ai donc jugé que, si l'animal ne commence jamais naturellement, il ne finit pas naturellement non plus. Et que non seulement il n'y aura point de génération, mais encore point de destruction entière, ni mort prise à la rigueur. Et ces raisonnements faits a posteriori et tirés des expériences s'accordent parfaitement avec mes principes déduits a priori comme ci-dessus. Paragraphe 77. Ainsi, on peut dire que non seulement l'âme, le miroir d'un univers indestructible, est indestructible, mais encore l'animal même, quoique sa machine périsse souvent en partie et quitte ou prenne des dépouilles organiques. Paragraphes 78 et 79. Ces principes m'ont donné moyen d'expliquer naturellement l'union ou bien la conformité de l'âme et du corps organique. L'âme suit ses propres lois, et le corps aussi les siennes, et ils se rencontrent en vertu de l'harmonie préétablie entre toutes les substances, puisqu'elles sont toutes des représentations d'un même univers. Les âmes agissent selon les lois des causes finales, par appétition, fin et moyen. Les corps agissent selon les lois des causes efficientes ou des mouvements. Et les deux règnes, celui des causes efficientes et celui des causes finales, sont harmoniques entre eux. Paragraphe 80. Descartes a reconnu que les âmes ne peuvent point donner de la force au corps, parce qu'il y a toujours la même quantité de force dans la matière. Cependant, il a cru que l'âme pouvait changer la direction des corps. Mais c'est parce qu'on n'a point su de son temps la loi de la nature qui porte encore la conservation de la même direction totale dans la matière. S'il l'avait remarqué, il serait tombé dans mon système de l'harmonie préétablie. Paragraphe 81. Ce système fait que les corps agissent comme si par impossible il n'y avait point d'âme, et que les âmes agissent comme s'il n'y avait point de corps, et que tous deux agissent comme si l'un influait sur l'autre. Paragraphe 82. Quant aux esprits ou âmes raisonnables, quoique je trouve qu'il y a dans le fond la même chose dans tous les vivants et animaux, comme nous venons de dire, savoir que l'animal et l'âme ne commencent qu'avec le monde et ne finissent pas non plus que le monde, il y a pourtant cela de particulier dans les animaux raisonnables que leurs petits animaux spermatiques, tant qu'ils ne sont que cela, ont seulement des âmes ordinaires ou sensitives. Mais dès que ceux qui sont élus, pour ainsi dire, parviennent par une actuelle conception à la nature humaine, leurs âmes sensitives sont élevées au degré de la raison et à la prérogative des esprits. Paragraphe 83. Entre autres différences qu'il y a entre les âmes ordinaires et les esprits, dont j'ai déjà marqué une partie, il y a encore celle-ci. Que les âmes en général sont des miroirs vivants ou images de l'univers des créatures. Mais que les esprits sont encore des images de la divinité même ou de l'auteur même de la nature, capables de connaître le système de l'univers et d'en imiter quelque chose par des échantillons architectoniques. Chaque esprit étant comme une petite divinité dans son département. Paragraphe 84. C'est ce qui fait que les esprits sont capables d'entrer dans une manière de société avec Dieu, et qu'il est à leur égard non seulement ce qu'un inventeur est à sa machine, comme Dieu l'est par rapport aux autres créatures, mais encore ce qu'un prince est à ses sujets, et même un père à ses enfants. Paragraphe 85. D'où il est aisé de conclure que l'assemblage de tous les esprits doit composer la cité de Dieu, c'est-à-dire le plus parfait état qui soit possible sous le plus parfait des monarques. Paragraphe 86. Cette cité de Dieu, cette monarchie véritablement universelle, est un monde moral dans le monde naturel. Et ce qu'il y a de plus élevé, et de plus divin dans les ouvrages de Dieu. Et c'est en lui que consiste véritablement la gloire de Dieu, puisqu'il n'y en aurait point si sa grandeur et sa bonté n'étaient pas connues et admirées par les esprits. C'est aussi par rapport à cette cité divine qu'il a proprement de la bonté, au lieu que sa sagesse et sa puissance se montrent partout. Paragraphe 87. Comme nous avons établi ci-dessus une harmonie parfaite entre deux règnes naturels, l'un des causes efficientes, l'autre des causes finales, nous devons remarquer ici encore une autre harmonie entre le règne physique de la nature et le règne moral de la grâce, c'est-à-dire entre Dieu considéré comme architecte de la machine de l'univers et Dieu considéré comme monarque de la cité divine des esprits. Paragraphe 88. Cette harmonie fait que les choses conduisent à la grâce par les voies mêmes de la nature, et que ce globe, par exemple, doit être détruit et réparé par les voies naturelles dans les moments que le demande le gouvernement des esprits, pour le châtiment des uns et la récompense des autres. Paragraphe 89. On peut dire encore que Dieu comme architecte contente en tout Dieu comme législateur, et qu'ainsi les péchés doivent porter leur peine avec eux par l'ordre de la nature et en vertu même de la structure mécanique des choses. Et de même que les belles actions s'attireront leur récompense par des voies machinales par rapport au corps, quoique cela ne puisse et ne doive pas arriver toujours sur le champ. Paragraphe 90. Enfin, sous ce gouvernement parfait, il n'y aura point de bonne action sans récompense, point de mauvaise sans châtiment. Et tout doit réussir au bien des bons, c'est-à-dire de ceux qui ne sont point des mécontents dans ce grand état, qui se fient à la Providence après avoir fait leur devoir, et qui aiment et imitent comme il faut l'auteur de tout bien, se plaisant dans la considération de ses perfections, suivant la nature du pur amour véritable, qui fait prendre plaisir à la félicité de ce qu'on aime. C'est ce qui fait travailler les personnes sages et vertueuses à tout ce qui paraît conforme à la volonté divine présomptive ou antécédente. Et se contenter cependant de ce que Dieu fait arriver effectivement par sa volonté secrète, conséquente et décisive, en reconnaissant que si nous pouvions entendre assez l'ordre de l'univers, nous trouverions qu'il surpasse tous les souhaits des plus sages et qu'il est impossible de le rendre meilleur qu'il est, non seulement pour le tout, en général, mais encore pour nous-mêmes en particulier, si nous sommes attachés comme il faut à l'auteur du tout, non seulement comme à l'architecte et à la cause efficiente de notre être, mais encore comme à notre maître et à la cause finale qui doit faire tout le but de notre volonté et peut seul faire notre bonheur.